La légende dorée par le bienheureux Jacques de Voragine. Traduction par Théodore Deviseva. Ouvrage couronné par l'Académie française. 20. Saint-Marcel, 16 janvier. Marcel était pape à Rome. Ayant osé reprocher à l'empereur Maximien sa cruauté à l'égard des chrétiens, et s'étant permis de célébrer la messe dans la maison d'une femme noble consacrée au Christ, il excita à tel point la rage de l'empereur que celui-ci changea cette maison en écurie et contraignit Marcel à y garder les chevaux en qualité d'esclave. Et saint Marcel, après de nombreuses années de cet esclavage, s'endormit dans le Seigneur vers l'an 287.